Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Samia Orozmann. Salut Samia, comment tu vas? Mais ça va super bien et toi? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, merci à toi, je suis honoré. Ah ben, tout l'honneur est pour moi, franchement. Je tenais à ce que tu sois dans le podcast parce que tu es la première personne qui m'a permis de monter sur scène, sur la scène d'un vrai théâtre. En fait, grâce à toi, j'ai pu jouer mon spectacle en faisant ta première partie. En fait, donc, ça m'a permis d'avoir le contact de ce lieu et de jouer mon spectacle là-bas pour la première fois en 2012. Donc, merci à toi. Franchement, je tenais à... C'est pas grâce à moi, c'est grâce à toi-même. Si tu n'avais pas fait la démarche de venir me chercher, tu ne serais pas là. Oui, mais si tu n'avais pas fait la démarche d'accepter, j'y serais pas non plus. Oui, mais écoute, moi, pour moi, c'est logique. Mais en tous les cas, voilà, c'est grâce à toi-même. C'est toi qui t'es bougé et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Mais en tout cas, merci à toi parce que malheureusement, on se bouge, mais des fois, les mains ne se tentent pas. Toi, au moins, tu as la main tendue, le cœur sur la main. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des artistes, tu vois, que le showbiz et même avant le showbiz, ça fait plaisir de voir que ce n'est pas uniquement des égos surdimensionnés qui ne veulent donner de coup de main à personne, quoi. Écoute, c'est gentil, ça fait trop de compliments là, je risque de faire une overdose, ça fait longtemps que j'en ai pas eu comme ça. mais écoute, c'est gentil, mais voilà, moi c'est peut-être parce que je suis pas dans le monde du showbiz. Moi je suis juste une comédienne qui cherche à faire son travail, c'est tout. Tu vois, le strass, les paillettes, la gloire, la notoriété, la fortune, c'est pas mes objectifs de vie, tu vois. Ouais, t'as la bonne mentalité en fait, c'est que tu fais ce qu'il faut pour y arriver, mais ton but c'est pas d'être la superstar, machin, tout ça. Tu fais ton travail, tu essaies de le faire dans les bonnes conditions. Et jusqu'à présent, moi j'ai suivi ta carrière et tout, et jusqu'à présent ça t'a réussi. Et on prie Dieu que ça aille encore plus loin que ça, parce que tu le mérites sincèrement. C'est trop gentil, merci beaucoup Sophie. Ben c'est sincère, hein, merci à toi. Et justement, au cours de cette carrière donc de comédienne, tu as eu quelques anecdotes que tu allais partager avec nous dans ce podcast? Oui. Alors, tu veux que je te raconte mes pires galères de scène? Allez, vas-y. Ok, alors au tout début, je venais de commencer. Et un jour, je suis invitée à un événement où les filles... en fait, c'est un espèce de souk géant, tu vois, et avec des stands. Et on me demande de venir faire un spectacle dans ce truc-là. Et moi, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, donc j'y vais comme ça avec la fille qui me servait d'assistante à l'époque. Et on arrive et il n'y a pas de scène. Et je dis à la fille, mais c'est comment je joue où? Elle dit, bah, tu peux jouer là, au milieu des gens. Je dis, ok, mais c'est des stands, en fait. Les gens vont s'asseoir, il y a une chaise. Elle me dit, non, il n'y a pas de chaise. Je dis, mais t'as un micro, au moins? Elle me dit, non, j'ai pas de micro. Je dis, attends, je comprends pas. Comment tu veux que je fasse un sketch si je suis au même niveau que tout le monde, que les gens ne peuvent pas s'asseoir, que j'ai pas, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de micro? Je fais comment? Elle me dit, bah, je sais pas, tu peux pas trouver une solution. Je dis, ouais, ok. Et en fait, je me rends compte qu'au bout de la pièce, il y a une espèce d'escalier en colimaçon, d'escalier de secours. Et bien, je suis montée sur l'escalier et j'ai appelé les gens, tu vois, façon vendeur de tapis, tu vois. Et j'ai demandé à toutes les personnes qui étaient là dans ce lieu d'achat, là, ce sous-client, de venir se rapprocher pour leur faire mon sketch. J'ai fini par m'en sortir, mais cette galère-là, si tu veux, elle m'a renforcée dans le fait que si tu peux jouer dans ces conditions-là, tu peux jouer n'importe où. Tu peux jouer n'importe où, tu peux t'arriver n'importe quoi. C'est pour ça que, après, quand je croise des humoristes qui tapent des scandales parce qu'il n'y a pas la bande son, il n'y a pas la bonne couleur, il n'y a pas le bon truc, ils vont dire toi, tu connais rien. Fallait venir avec moi dans le souk à Sarbi, fallait être sur les escaliers de secours et crier comme ça pour que les gens puissent t'entendre. Là, ça t'aurait forgé et tu comprendrais c'est quoi la vraie misère, tu vois. C'est vrai, mais on apprécie bien les scènes après quand on a bien galéré, et là, c'est vrai que tu as donné déjà de ta personne. Et les gens, du coup, ils sont venus quand même ou pas? Parce que c'est dur de rassembler. Oui, parce que moi j'arrive à mettre la pression, tu vois, j'ai une voix qui porte. Les années de théâtre, elles ont servi à quelque chose. donc j'ai râlé un peu, j'ai rapproché les gens vers moi, mais ça allait. Après, j'ai d'autres galères qui sont rigolotes à raconter. Genre, moi j'avais des dents dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Les deux dents de devant, là, c'était des dents de lapin. Et celle qui était à côté, de la grosse dent de droite, elle était genre en mode pourri, quoi. Et je me suis dit, dès que j'ai un peu d'argent, le premier truc que je fais, je change mes dents. Ça, c'est obligé. Mmh. Et donc, parce que quand je souriais, j'étais obligée de mettre ma main devant, c'était horrible. Et donc, je vais voir, dès que ça commence à marcher un petit peu, tu vois, c'était juste avant la première vidéo qui a fait le buzz sur les attentats, en 2015. Donc, juste avant ça, je vais chez le dentiste et il prend l'empreinte de mes dents pour me réparer mes dents. Et il me met des dents temporaires pour 2 mois en me disant, par contre, il faut faire attention, voilà, il ne faut pas trop croquer du dur avec. Et si jamais vous sentez que ça vibre ou qu'il y a un problème, vous revenez me voir tout de suite. Je dis ok. Et moi, j'oublie, tu vois, j'ai fait ma vie et tout. Puis au bout d'un mois, avec ces dents provisoires, un jour, je monte sur scène devant 800 personnes. Et c'est un plateau d'humour avec d'autres artistes. Et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. La dent, elle vibre, quoi. Et je me dis, non, elle ne va pas faire ça. elle va rester quand même. Tu vois, c'est pas le moment. Et donc, je me dis, bon, c'est pas grave. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Je peux pas reculer, quoi. Et donc, je monte sur scène. Et pendant que je fais mon sketch, là-dedans, elle fait piou. Et elle finit par terre. Et moi, je vois la danse envoler comme ça. Et dans ma tête, je dis, oh mon Dieu, pourvu que personne n'ait capté. Oh mon Dieu, pourvu que personne n'ait capté. Et en fait, je me dis, deux solutions. Soit je l'assume et j'explique aux gens ce qui s'est passé. Ou soit je fais comme si j'avais rien vu et je continue mon spectacle et on fait comme si de rien n'était. Et du coup, j'ai été lâche, j'ai choisi la deuxième solution. donc, j'ai ramassé discrètement ma dent, je l'ai mis dans ma poche et j'ai continué mon sketch et personne n'a rien vu. Et quand je suis sortie de scène, je regarde Phil Darwin qui passait après moi, je lui dis, t'as remarqué? Il me dit quoi? Je lui dis, non, rien. Et donc, je remets la chicot, tu vois, parce que c'est devant, on voit tout, quoi, tu vois. C'est en fait, les deux dents devant, c'est la troisième, celle qui était un peu, qui était pourrie, tu vois. Ouais. Et donc, c'est flagrant, quoi, tu vois. En plus, dans mon sketch, je jouais le rôle d'un Algérien qui avait que trois dents. Je peux te dire, je l'ai jamais aussi bien joué que ce jour-là où il manquait la chicot. Parce que les postillons, là, ils étaient en mode fiou. Et donc, du coup, le lendemain, j'ai un spectacle à genre 400 ou 500 kilomètres de chez moi. Et devant qui des nanas, c'est un événement spécial femmes. Donc, il y a 200 femmes qui m'attendent. Et le problème, c'est que c'est dimanche. Et donc, j'ai pas où aller réparer cette dent. Donc, la dent, elle est amovible, quoi, tu vois, elle vibre. Donc, je suis allée acheter un truc pour coller les dents, mais ça n'a pas marché. Ça ne tenait pas. Et donc, je vais avec mon assistante sur les lieux et je commence le spectacle parce que là, c'était 1h15 de spectacle. Ce n'était pas juste 15 minutes de plateau. Et là, je regarde les filles et je commence à leur raconter ce qui s'est passé la veille. Donc, je leur dis, voilà, il m'est arrivé un truc de dingue. C'est que j'ai fait remplacer mes dents. Et pendant que j'ai fait un sketch hier devant 800 personnes, il y a une chicot qui s'est envolée. Et là, tout le monde rigole. Et je leur dis, écoutez, si je vous raconte ça, c'est pas pour rien, c'est juste pour vous dire que si vous voyez un gros truc s'envoler, c'est pas un postillon, les filles, c'est que c'est une chicot. Et s'il vous plaît, ramassez-la vite, parce que si la petite souris, elle la prend, je suis dans la merde. Et donc, tout le monde rigole. Et puis, je commence mon sketch, et au bout de même pas 3 minutes, il y a un moment, la chicot, elle fait piou. Et là, ça explose de rire dans la salle. Et je leur dis, attendez, vous rigolez pour ma blague, pour ma vanne, ou vous rigolez pour la dent? Et là, les filles, elles font les deux. Du coup, j'ai ramassé la dent. Je dis, écoutez, je vais pas la remettre. Je vais la poser pour l'instant et je vais faire tout le spectacle avec une chicot en moins. On s'en fiche. Et du coup, elles étaient mortes de rire et j'ai fini le spectacle avec une dent en moins. Oh, mais c'est tellement bien, c'est tellement bien. Tu sais, je connaissais les humoristes qui avaient les dents longues, mais toi, du coup. Oh, mais c'est tellement beau. Tu vois. En fait, sur scène, tu peux pas mentir, tu vois, tu peux pas mentir aux gens et tu es parti dans la sincérité et regarde comme ça a payé, tu vois, au final, ils ont peut-être même encore plus rigolé, tu vois, ces spectatrices-là, elles ont peut-être encore même plus rigolé que si tu avais essayé de le camoufler, tu vois. C'est clair. La sincérité paye sur scène et moi, j'ai vu ton spectacle, j'ai vu le premier, donc tu m'as dit que le deuxième était en cours d'écriture et j'ai vu le premier et vraiment, on sent la sincérité, on sent que tu t'es inspiré de ton vécu et tout pour le transférer sur scène et pour le partager avec les gens. Et vraiment, ça ne m'étonne pas du tout que là, tu sois parti en mode impro à propos de la dent et tout, parce que tu ne peux pas mentir aux gens. Tu veux même pas leur mentir. Tu veux leur dire, voilà ma situation. On est tous dans la même galère. On est ensemble. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tout le monde a des histoires comme ça. Tout le monde a des galères. Tu vois, genre une dent qui bouge et tout, mais on en a tous. Moi, combien de fois, tu sais quoi, moi, j'avais une couronne, tu vois. Et combien de fois ma couronne, elle a essayé de se barrer et tout au début, je flippais, tu vois. Donc, si j'étais sur scène, elle serait certainement partie pendant que j'étais sur scène. Hein, donc, t'inquiète pas. Attends, hein. Il faut que je te raconte un truc. Tu sais ce que j'ai fait quand il a enlevé les dents, le dentiste? Ouais. J'ai dit, attendez 2 secondes. Vous pouvez attendre 2 secondes? Il me dit, ouais. Et là, je prends mon téléphone et je fais une vidéo. Et c'était la période où Valérie Trévenard, elle venait de sortir un livre et elle se moquait d'Hollande qui disait qui appelait les pauvres les sans-dents. Les sans-dents. Et donc là, je fais, ouais, et là, je fais une vidéo et je fais, alors, t'as quoi maintenant contre les sans-dents, hein? T'as quoi contre les sans-dents? Avec les 4 chicotes devant, au moins. Et je l'ai balancé sur Facebook. Et mon manager, il m'a appelé direct. Il m'a dit, tu m'enlèves ça tout de suite! Mais t'es malade ou quoi? Ton image, bordel, ton image! Et je dis, ah, c'est bon, je suis humoriste, hein, je suis pas mannequin. Il m'a dit, non, tu m'enlèves ça tout de suite! Et bien, à cause de lui, j'étais obligée de la retirer. Mais n'empêche qu'elle m'a bien fait rire. Mais c'était marrant. Et puis, comme tu l'as dit, t'es humoriste. Donc ça. Ah, lui, il voulait pas. Il avait peur pour mon image. Tu te rends compte, je suis tellement belle. Ben, c'est dommage. Alors, je pense que c'est pas un humoriste à la base, lui. Non, mais il est très drôle. Il est beaucoup plus drôle que moi. Mais en tous les cas, ce jour-là, il a pas voulu. Il m'a dit, tu m'enlèves ça tout de suite. Parce que j'étais obligée de la retirer. Puis je l'ai même pas gardé la vidéo. Je suis dégoûtée. Parce que là, aujourd'hui, j'ai un peu plus de caractère. Je me serais imposée, tu vois. Ouais. Mais en 2015, j'étais encore, tu vois, j'étais encore pas trop sûre de moi, encore, tu vois, à écouter ce qu'il me dit, tu vois. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de te faire retirer les quatre chicots de devant et de refaire la vidéo? Je suis pas sûre. Là, on n'est plus d'actualité. Là, l'histoire des 100 dents, ça y est, c'est fini. Ça fait longtemps. Bon, on va essayer de voir si Macron peut nous pondre quelque chose là-dessus. Écoute, je suis pas sûre. Je te demandais s'il était humoriste, parce que s'il avait été humoriste, s'il avait fait de la scène, je pense qu'il aurait tout de suite vu le potentiel justement drôle de la vidéo et il t'aurait dit vas-y, au contraire, c'est des barres, vas-y, tu vois. Ah non, lui, là, il est trop dans la protection, en fait. Il a trop peur de voilà. L'image que je pourrais donner, en fait. Après, je sais pas, mais je trouve ça bizarre, quoi. Parce que pour moi, c'est drôle, quoi. On s'en fiche. Le nombre de filles qui font des sketchs où elles font des grimaces, etc. Et que finalement, tu vois, elles sont pas... Enfin, voilà, pour moi, c'est l'image, on s'en fiche, c'est un détail. Bien sûr, bien sûr. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'il avait une dent contre toi, hein. Bon, t'inquiète pas, j'ai fini les jeux. J'ai fini. Bien passé. Bien placé, bien placé. Non, mais c'est beau. Moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up, c'est qu'il nous arrive une galère, bah, ça devient quelque chose, ça devient une force, en fait. Tu vois, c'est un peu la fameuse phrase quand ils disent en anglais, genre... Apprendre à danser sous la pluie. Ah, bah, ça, par exemple, oui, bah, tu vois, du coup, oui, je l'avais oublié, celle-là, apprendre à danser sous la pluie. Il y a une phrase en anglais qui dit « When life gives you lemons, make lemonade », tu vois, genre, en gros, si la vie te donne des citrons, fais de la citronnade, tu vois, je dirais, en gros, quelles que soient les galères que t'apporte la vie, sers-t'en pour faire quelque chose. Et donc, toi, c'est ce que t'as fait, tu vois, une belle galère dentaire. Et franchement, bravo, parce que t'as réussi à en faire une force. Parce que si t'étais resté bloqué en mode « faut surtout pas que les gens me voient comme ça », t'aurais certainement fait une prestation au rabais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors que là, tu t'es lâché et t'as carrément été même plus forte sur ton spectacle d'une heure, où t'as dit bah, « tu sais quoi, je la pose là, la Chico, qu'est-ce qu'il y a ?» et je vous fais le truc tel quel, sans ma dent. Comme ça, t'as assumé. Si t'avais essayé de le cacher, non seulement ça se serait vu, mais en plus, il y aurait eu une gêne, parce que les gens, ils veulent que tu sois toi-même, ils veulent que tu dises la vérité sur scène. Tu vois, je repense au livre de Christine Béroux, où elle expliquait que c'était important de, si jamais on avait une caractéristique physique ou un truc comme ça, c'était important de faire une vanne dessus pour dédramatiser le truc dès le départ et annoncer aux gens, vous inquiétez pas, je suis au courant, tu vois. Elle, par exemple, avec sa voix, elle a une voix très enfantine et tout, donc elle fait, tu vois, cette blague et tout sur sa voix. Elle dit, ouais, j'en ai marre que les gens ils m'appellent au téléphone et que dès que j'entends « Allô, est-ce que ta maman est là ?» Et je dis « Non, mais arrêtez, je suis une adulte, c'est bon. » Et qu'après, le mec fait « Oui, ce sont les impôts. » Et après, elle dit « Ma maman, elle n'est pas là. » En fait, il faut adresser le malaise, tu vois. Il faut adresser la chose qui se passe. Parce qu'elle a expliqué dans son livre qu'il y avait un mec sur une scène ouverte qui avait un cheveu sur la langue. Et il n'en parlait pas, tu vois. Donc, ça fait que c'était gênant. Les gens ne savaient pas si c'était exprès ou pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, toi, avec ta dent, tu leur as dit, voilà, j'ai perdu ma dent. On ne va pas en faire tout un plat. Allez, je continue. Et t'en as rigolé. Les postillons, ils devaient partir à tire-larigot, tu vois. Mais tu as assumé et les gens ont aimé. Et c'est ça que j'aime. Moi, je n'aime pas quand les artistes sur scène, ils essayent de mentir. Vas-y, donne-nous ce que tu as et on le prendra. T'inquiète pas, tu vois. Et les gens l'ont pris. Donc, vraiment, bravo à toi. Merci beaucoup. C'est le genre d'anecdote qui t'arrive. Et comme tu l'as dit, tu vois, tu as deux solutions. Soit tu l'assumes, soit tu essayes de le cacher. Bon, la première fois, tu as été prise au dépourvu, tu as préféré essayer de le cacher. Et la deuxième fois, tu t'es dit, bah, tu sais quoi, j'assume maintenant, voilà, ça ne me fait pas peur, j'y vais, quoi. Ouais, mais la première fois, je ne pouvais pas. C'était pas mon spectacle, en fait. Tu es sur un plateau, il y a d'autres artistes derrière, tu es censé respecter le timing. Si tu commences à partir en vrille, à raconter ce qui vient de t'arriver, tu vois, c'est... Tu sais pas combien de temps ça risque de prendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand c'est ton spectacle, tu fais ce que tu veux. T'es le roi du monde. Si t'étais parti en impro sur ta dent, t'aurais rajouté 5 ou 10 minutes de spectacle encore, tu vois, au niveau du plateau. Ouais, c'est vrai qu'après, les autres auraient pu faire la gueule, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Donc c'est pour ça, tu vois, je me suis dit, tant ça, c'est pas vu, c'est cool. C'est arrivé sur la fin, j'ai ramassé ma dent discrètement, je suis parti, tout allait bien. La question que je me pose, c'est comment on fait les gens pour ne pas voir une dent qui vole? C'est une grosse salle, en fait. Quand t'as une salle de 800 places, t'es pas très proche du public. Du coup, ils ne voient pas forcément. Et les premiers rangs, ils n'ont pas vu? Bah, même les premiers rangs, ils étaient déjà un peu décalés. Ils n'étaient pas super proches, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas vu. Ou alors, ils ont dû se dire que c'était un postillon, tu vois. Ils n'ont pas capté. Punaise, elle en lâche des gros, hein. Exactement. Mais j'ai eu de la chance qu'elle ne tombe pas dans le public là-dedans. T'imagines? Tu vois, le plateau était très grand. Dieu merci. Là, tu vois les spectateurs. J'ai eu la fève, j'ai eu la fève. Ah, mon Dieu. Dégueulasse. Bon, Ah ouais, en tout cas, c'était vraiment magique. Tu avais d'autres anecdotes qui te sont arrivées? Non, c'est tout. Je trouve que c'est déjà pas mal. Déjà beaucoup. C'est beaucoup déjà. Et franchement, c'est magique parce que là, c'est un moment que tu vivras qu'avec ce public-là, tu vois, parce qu'après, tu as réglé le problème, du coup, en allant chez le dentiste et tout. Et je pense que ce que les gens apprécient dans cette vérité, dans cette sincérité, c'est qu'ils se disent, là, personne d'autre ne vivra ça avec nous, tu vois. Ce qui vient de se passer là, c'est de l'improvisation totale, c'est pas inventé, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui jouent la fausse impro. Là, tu peux pas inventer une dent qui tombe, tu vois. Ah, c'est clair, c'est Donc, clair. ah, tu as été dans le partage et dans la sincérité et ça a payé. Donc vraiment, encore une fois, bravo et merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? À mon nom, Samia Orosmane, écrit Orosmane. Donc j'ai Instagram, Facebook, Snapchat, j'y vais pas parce que j'arrive pas. Tu vois, se filmer tous les jours en train de faire tes affaires, je comprends pas en fait. Je les admire, hein, ceux qui arrivent à le faire, tu vois, mais moi je suis pas capable. J'ai essayé deux fois, j'ai pas réussi. Vraiment, j'ai pas réussi. Tu vois, sur deux périodes différentes et tout. Et après, j'ai baissé les pas, je dis c'est bon, ça y est, faut que je l'assume. J'ai 38 ans. Tu vois, voilà, faut que. Mais il y en a qui ont notre âge et qui y arrivent quand même. Hein. Mais Ah moi, ouais, pour moi, si respire. tu filmes ta vie, t'as pas le temps de la vivre. Ah, c'est bien dit ça. Ça, c'est bien dit. Bah, je trouve ça logique, quoi, tu vois? Ouais. Il y en a qui, en fait, c'est une espèce de gymnastique parce qu'ils vivent leur vie et la caméra, ça devient secondaire. On est vraiment dans l'instant, alors que eux, peut-être qu'ils la laissent tourner et ils font leur vie, tu vois. Non, je pense pas. Sur Snapchat, tu dois appuyer sur le bouton quand même. Ouais, mais c'est devenu. Tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, je suis chauffeur de bus. J'ai fait du tramway pendant 2 ans et demi. Quand je conduisais le tramway, en fait, il y avait un système de ce qu'on appelle la veille. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur un bouton toutes les 10 secondes maximum et relâcher 3 secondes maximum pour dire que je suis bien là, je ne suis pas dans les vapes. Et le truc, c'est que j'avais tellement pris l'habitude de faire ce geste que j'avais réussi à m'endormir alors que je le faisais. Tu vois ce que je veux dire? Waouh! Eh oui! Alors, je ne me suis C'est pas fort. endormi pendant 10 minutes, hein. Mais des fois sur une ligne droite, sur une longue ligne droite, quand tu commences à 4 heures du matin, que tu n'es pas réveillé et tout, et tu te vois dormir comme ça, tu commences à avoir la tête qui tombe, et d'un coup sec, tu entends que tu as fait le bruit, parce que ça fait clic-clic, et tu entends clic-clic, c'est ta main qui le fait machinalement. Donc je pense que Snapchat, c'est un peu la même, hein. Écoute, peut-être, je sais pas, mais moi, pour atteindre ce degré-là, il va me falloir beaucoup d'années d'entraînement. C'est ça, t'inquiète pas, le tramway de Bordeaux recrute, il n'y a pas de souci. Écoute, c'est gentil. J'ai même pas le permis voiture, tu veux m'embaucher sur le tramway. T'inquiète pas, tu conduiras pas pire que certains collègues. Tu as peut-être Twitter et YouTube aussi? J'ai une chaîne YouTube et après Twitter, j'y vais jamais. J'ai un compte pour dire que j'ai un compte, mais j'y vais pas. Après, sur YouTube, j'essaie de balancer des choses de temps en temps. Donc effectivement, on peut me suivre sur YouTube au même nom. Eh bien, sans problème, je mets donc Facebook, Instagram et YouTube, il n'y a pas de souci. Merci à toi, c'était un plaisir. Et Plaisir pour ma part, partagé. ah ben, franchement, c'était cool. Ça fait un moment que je voulais faire ça et je suis vraiment pas déçu. Là, les anecdotes, c'était des pépites. Merci, mais bonne continuation et plein de belles choses à toi. À toi aussi et merci à vous. Donc, retrouvez Samia Orosmane sur les réseaux, sur Facebook, Instagram et YouTube. Pour ma part, vous me retrouvez également sur les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.